Dernier temps de notre semaine sur l'histoire de la prostitution au XIXe siècle, alors même que cette nuit, le vote des sénateurs a repoussé la possibilité de pénaliser les clients des prostituées. Ce matin, le débat portera sur les oppositions à la prostitution au XIXe siècle. Après avoir fait le point avec Gabriel Ouvre lundi sur les recherches actuelles sur cette histoire de la prostitution, visiter le Paris de la prostitution mardi dans un documentaire, une balade dans Paris, puis hier mercredi nous être intéressés aux représentations picturales, photographiques et filmiques de la prostitution, et bien dans la fabrique de ce jeudi, nous allons donc débattre des oppositions à la prostitution avec Séverine Yatta, Frédéric Regard, Yannick Ripa et Jean-Marc Berlier. Qui sont ces opposants et opposantes, policiers, moralistes, religieux, féministes? Que souhaitent-ils et que souhaitent-elles? Comment circulent les idées abolitionnistes ou réglementaristes dans les pays européens du 19e siècle? C'est ce que nous verrons donc avec Séverine Yatta, qui a préparé cette émission avec nous. Yannick Ripa, professeur en histoire contemporaine, histoire sociale et politique de l'Europe, membre du Centre d'études féminines et d'études du genre de l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, qui publie bientôt chez Belin l'étonnante histoire des belles-mères, mais qui a aussi contribué à une encyclopédie numérique de l'histoire nouvelle de l'Europe qui sera bientôt en ligne, et tous les articles sur la prostitution ont été écrits et conçus par elle. Également avec nous, Frédéric Regard, il est professeur de littérature anglaise à l'Université de Paris-Sorbonne, spécialiste de la littérature des 19e et 20e siècles et des études de genre. Et il publie, en collaboration avec Florence Marie et Sylvie Regard, « Féminisme et prostitution dans l'Angleterre du 19e siècle, la croisade de Joséphine Butler ». C'est un livre qui a 2 ans désormais. Jean-Marc Berlier est également avec nous, il est professeur de l'Université de Bourgogne, spécialiste de l'histoire de l'institution et des sociétés policières en France. Il est l'auteur d'une lettre très suivie, la lettre aux amis de la police et de la gendarmerie. Il est chercheur rattaché au CESDIP, le Centre de Recherche Sociologique sur le droit et les institutions pénales. Il est l'auteur de l'histoire des polices en France, de l'ancien régime à nos jours. Et il publie également à côté un tout autre sujet, Camarade, la lutte continue de la résistance à l'espionnage au profit des pays de l'Est sur les FTP. C'est chez Robert Laffont. Bonjour Séverine Yatta, bonjour à vous Yannick Ripa, merci d'être avec nous, bonjour Frédéric Regard et bonjour Jean-Marc Berlier. Alors si on veut s'intéresser à cette histoire de la prostitution, faut-il remonter au tout premier 19e siècle et aux premières réglementations, ou est-ce qu'il faut plutôt se centrer vers les années 1840, 1850 et après la Seconde République pour ce qui concerne la France, Yannick Ripa? Il faut se rappeler que le système réglementariste est mis en place à partir des années 1800 et qu'il se poursuit tout le long du siècle, mais qu'effectivement la moitié du siècle, comme vous le disiez, est un moment fort, parce que à la fois le réglementarisme s'installe dans l'ensemble de l'Europe, et en même temps on voit qu'au fur et à mesure de son installation, il y a déjà des voix qui s'élèvent contre le réglementarisme, et du coup qui pose le problème, est-ce que on est contre la prostitution ou est-ce qu'on est contre ce système? Alors justement, ce French system, ce système réglementariste, quel est-il dans le premier 19e siècle et comment va-t-il évoluer dans tout le long du siècle? Alors l'idée de base du réglementarisme, c'est que la prostitution est un mal nécessaire, ce que ont bien montré les études d'Alain Corbin, qui se réfère à un livre phare de 1836 de Parents du Châtelet sur de la prostitution à Paris. Et il ne s'agit pas d'interdire la prostitution, puisqu'on pense qu'elle répond à un besoin des hommes uniquement. La prostitution masculine ou la prostitution homosexuelle est complètement passée sous silence, alors qu'on sait, en tant qu'historien, on sait très bien qu'elle existe. Et donc, il faut trouver la solution, en gros, la moins pire. Mmh. Cette solution, c'est effectivement le réglementarisme, une innovation française qui, comme vous venez de le dire, va se répandre dans l'Europe sous le nom de French System. Il s'agit d'enfermer les prostituées afin de les surveiller d'un point de vue policier, sanitaire, avec des visites régulières pour éviter la propagation des maladies vénériennes. Mais ce système d'encartage va distinguer la prostitution en quelque sorte autorisée, mais qui en même temps crée une catégorie de filles de joie qui sont en dehors du droit général auquel les Français et les Françaises sont soumis, et puis des insoumises qui vont être dans les rues et que la police et la police des mœurs va poursuivre. L'idée clé, c'est de différencier les prostituées qui sont des vicieuses, et la prostitution qui est un mal nécessaire. Frédéric Regard, vous qui êtes spécialiste du domaine anglais, et le livre que vous publiez, que vous avez publié il y a deux ans, Fénice, c'est Prostitution dans l'Angleterre du 19e siècle, la croisade de Joséphine Butler, le montre bien. Quelle est la différence entre la France et l'Angleterre dans ce premier 19e siècle, puisque dans une deuxième temps, eh bien, il y aura effectivement une sorte de, sans faire de jeu de mots, de contamination, pourrait-on dire, du système français sur le système anglais. Qu'en est-il de ce premier 19e siècle en Angleterre? Eh bien, l'Angleterre va tenter d'importer le système français, ne serait-ce que parce que la plupart des médecins ont fait leurs études en France à l'époque. Donc, ils essayent d'importer le système en France pour des raisons très précises. La guerre de Crimée montre que les troupes impériales, que les troupes de l'armée britannique dans l'Empire sont contaminées par la syphilis. Ouais. La guerre de Crimée, c'est vraiment la... Les conséquences sont terribles, mais il n'y a pas de véritable opposition structurée au réglementarisme français avant la fin des années 1860. Et c'est notamment Joséphine Butler qui organise les choses au travers d'une association qui va d'abord être nationale, mais qui va ensuite s'internationaliser. Et comment ça se formule, Frédéric Regard? Il y a des lois, en fait, de santé qui vont être promulguées, un âge également de majorité sexuelle, enfin... Voilà. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, l'âge de la majorité sexuelle du consentement est de 12 ans. Il va passer graduellement à 13 ans et à la fin du siècle uniquement à 16 ans. C'est Joséphine Butler et des journalistes dont on pourra reparler tout à l'heure et qui vont mobiliser l'opinion publique autour de ce problème. Ce qui déclenche le mouvement de réaction contre le système à la française, ce sont des lois qui ont été réclamées par l'armée britannique, évidemment en collaboration avec les médecins de l'époque, dont on pourra également reparler. Les lois dites sur les maladies contagieuses, alors il y a toute une série de lois, 1864, 1866, 1869, et c'est lorsque le système réglementariste prévu par ces lois qui est d'abord destiné aux régions militaires, aux régions portuaires et aux régions militaires, aux villes de garnison. Les villes de garnison doit être étendu à l'ensemble du territoire en 1869, que certaines femmes commencent à se rebeller et à contester cette extension. On reviendra sur Joséphine Butler et son combat. Jean-Marc Berlière, vous êtes spécialiste, vous, de la police en France. Que dit la police de ce premier 19e siècle, avant de nous intéresser vraiment au deuxième 19e siècle, et quelle de ces questions, plus, et quelle police s'intéresse dans le premier 19e siècle, la police de Fouché et de ceux qui succèdent, s'intéresse-t-elle justement à cette question de la prostitution? Comme le législateur s'est toujours refusé à aborder cette question, comme la justice s'en désintéresse, on ne veut pas encombrer les prétoires de personnages qu'on trouve scandaleux, immoraux et vicieux. En réalité, on a délégué la police des mœurs, au sens police, réglementation, etc., à la police. Et donc, ça donne à cette administration, quelle qu'elle soit, des pouvoirs exorbitants dans ce domaine, puisque, on l'a rappelé, Yannick Ripoll le disait, les prostituées sont placées en dehors du droit commun. Mmh. On peut donc les arrêter sans mandat, on peut les interner de façon purement administrative, on peut les soumettre à des règlements qui sont généralement des règlements municipaux. C'est important que de le dire, on n'est pas encore dans une loi qui touche tout le territoire, mais les règlements sont d'abord municipaux, on réglemente d'abord de façon municipale avant de monter au niveau national. Ah oui, on est complètement dans le domaine municipal. Il faudra toujours se souvenir d'ailleurs que même la principale police de l'époque, c'est-à-dire la préfecture de police, est de statut municipal. Elle le sera jusqu'à la loi Fray en 1966. Donc, et c'est encore pire ailleurs, bien sûr. Donc ce sont les maires qui décident, qui réglementent la prostitution, et ces réglementations sont différentes d'une ville à l'autre, avec néanmoins toujours toujours cette préoccupation récurrente, péril vénérien, hein, qui est une véritable obsession au XIXe siècle, et réglementation donc sanitaire, et puis un souci d'ordre public. Mmh. On peut plus tellement parler de moralité, enfin là, on n'est plus sous l'Ancien Régime. Mais il est intéressant, je voulais juste revenir sur votre première question. Mm-hmm. Bizarrement, si vous voulez, j'aurais tendance à faire remonter les choses beaucoup plus loin, puisqu'en réalité, quand ils vont être interpellés sur ces problèmes de police des mœurs, sur l'omnipotence de la police et de l'administration policière, les préfets de police n'hésiteront pas en plein 19e siècle à dire que leur pouvoir remonte au capitulaire de Charlemagne. Oui. Et au minimum, à la réglementation des filles de joie du lieutenant général de police Lenoir, qui prévoyait l'internement à la salle au 18e siècle, etc. Au 18e siècle. Et Jean-Marc Gallière, d'un point de vue pratique, cette police, elle va mettre au point, pas seulement pour les questions de prostitution, mais aussi tout un système, parce que elles sont nombreuses, ces prostituées. Donc, si on veut les contrôler, les surveiller, il faut trouver un... Alors, c'est la question des cartes, hein, bien sûr, du fichage, systématique. Le but de la police, c'est clair. Yannick Ripal rappelait, il y a deux sortes de prostitution. Il y a une prostitution tolérée, le terme est intéressant. Hein, maison de tolérance. Qui se décompose en deux branches, hein, si j'ose dire, les filles à numéros qui sont dans les maisons close, hein, ou les maisons de tolérance, et puis les prostituées qui sont soumises, comme on les appelle, c'est-à-dire qui sont encartées. Et puis toutes celles qui fuient ce régime parce qu'il est oppressif, parce qu'il est terrible. Comment on peut le décrire, justement, ce régime? Vous dites oppressif, ça veut dire qu'on peut être embarqué, n'importe quelle femme peut être arrêtée. Elles sont soumises à tellement d'obligations, d'interdictions et de règlements, qu'en fait, comme le signalait un policier dans ses mémoires, une prostituée est toujours de bonne prise. Comme en plus elle ne peut pas se défendre ni rien, donc vous imaginez un petit peu, elles sont dans la main de la police. Et le rôle de la police, c'est d'essayer de poursuivre les insoumises, les clandestines, pour les ramener dans les maisons closes. J'en parlerai tout à l'heure, parce que les maisons closes sont des maisons de police. Mmh. Yannick Ripa, puis Frédéric. Oui, la dimension sanitaire est même incroyable, parce qu'on voit à Paris les autorités municipales se référer à des très vieux décrets qui datent quasiment du Moyen-Âge contre les animaux qui se répandent dans Paris et qui apporteraient des maladies. Mmh. Et c'est à partir de ce décret-là qu'ils vont arrêter des femmes. Et au niveau européen, on sent bien que cette articulation sanitaire, police, ordre, mais aussi un moyen d'avoir des renseignements sur les clients, s'articule de façon différente selon les pays. En Angleterre, on voit bien que ce qui est mis d'abord en avant, c'est le sanitaire. C'est vrai également en Russie. Et en même temps, on sent que ce n'est pas que cela. Mais les femmes, toutes les femmes, se retrouvent pouvoir être arrêté à n'importe quel moment, et c'est d'ailleurs par ce biais-là que sera aussi attaquée la police des mœurs, parce que des femmes diront « mais quel scandale, j'ai été arrêtée », et d'autres leur répondront « mais vous avez été arrêtée alors que vous vous dites femme honnête, mais les autres femmes ne devraient pas plus être arrêtées que vous ». Mais vous dites toutes les femmes, il n'y écrit pas quand même, il y a toute cette prostitution des courtisanes, des femmes qui vont avoir une ascendance sociale d'ailleurs assez fulgurante, qui sont un petit peu, enfin entre guillemets, protégées, même si on déplore cette ascension sociale anormale par une activité évidemment comme la prostitution. Oui, mais elles ne font pas vraiment commerce de leur corps. D'ailleurs, il y aurait tout un travail à faire sur qu'est-ce qu'on appelle une demi-mondaine, qu'est-ce qu'on appelle une courtisane. Personnellement, je suis toujours très frappée de voir Claude Mérode apparaître exactement comme la belle Otero, alors qu'on n'a aucune preuve sur le côté demi-mondaine de cette femme qui, une fois de plus, se retrouve d'ailleurs dans l'expo très belle d'Orsay. Mais elles ne mettent pas en danger la société. Elles ont un ou deux amants, elles sont entretenues. On voit bien par le parcours de Sarah Bernard, quand Sarah Bernard est fichée, elle est, par la police, ce que Gabriel Louvre a bien montré, elle est fichée comme prostituée. Ensuite, quand ça devient une demi-mondaine, elle a quelques amants et elle ne met pas en cause l'ordre. Là, la peur intrinsèque, c'est l'ordre et la mise en danger par ricochet des familles bourgeoises. Frédéric Regard, dans l'Angleterre victorienne. Est-ce oui, que je voudrais revenir à votre question initiale. Ce qui cause la révolte des femmes à la fin des années 1860, c'est précisément que la définition même de la prostituée pose problème. Les lois de 1864, les fameuses lois sur les maladies contagieuses en Angleterre, stipulent que toute femme soupçonnée d'être une prostituée, peut être arrêtée par la police, emmenée dans un hôpital, soumise à un examen gynécologique de force, même contre sa volonté, et être enfermée contre sa volonté également pendant plusieurs mois, et ça peut aller jusqu'à 9 mois. Et lorsque l'on demande à la police, lorsque les femmes demandent à la police qu'est-ce qui, selon vous, définit une prostituée, le chef de la police de Londres répond à l'époque, toute femme se promenant dans un lieu public en étant non accompagnée. Et qu'aurait répondu le chef de la police de Paris, de la police des mœurs, par exemple, monsieur Lacour, le fameux Charles Lacour? Exactement la même chose. Jean-Marc Gallière. C'est-à-dire qu'une femme seule, dans des lieux, les passages vers la gare Saint-Lazare et tout, alors il y a eu des bavures extraordinaires et qui ont été justement le prétexte d'attaquer cette police des mœurs, c'est pratique, hein, bien sûr. Et ce qui complique encore singulièrement les choses, c'est que la frontière entre la prostituée professionnelle et puis la prostituée occasionnelle est très ténue, d'autant que les mœurs sont, contrairement à ce qu'on croit généralement, à l'époque victorienne en Angleterre, beaucoup plus souples qu'on ne l'imagine, notamment dans les milieux populaires où la prostitution peut être un revenu d'appoint pour certaines petites catégories sociales. Mais tout le monde s'en accommode fort bien, et de temps en temps, le mariage même est totalement impossible. Par exemple, 80% des soldats ne peuvent pas se marier, si bien qu'ils vivent en concubinage, et le concubinage va être considéré comme une forme de prostitution. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Le charme, un morceau d'Ernest Chausson, datant de 1879, dans une interprétation de Sandrine Piau avec au piano Suzanne Manoff. Qu'est-ce qui fait, Yannick Ripin, l'union, ou la désunion d'ailleurs, parce qu'il y aura aussi des unions, de ceux qui s'opposent à la prostitution? On a dit les médecins, on a dit les policiers, on a dit les religieux, les moralistes, les hygiénistes, qu'est-ce qui fait cette union? Alors, je crois que la formule est peut-être pas tout à fait juste de dire ceux qui s'opposent à la prostitution. Parce qu'en réalité, l'Europe, dans son ensemble, n'est pas prohibitionniste. On peut s'opposer à la propagation de la prostitution, voilà, et pas à son interdiction. Exactement. Et par ailleurs, il y a ceux qui s'opposent au système réglementarisme, ce qui ne veut pas dire qu'ils s'opposent à la prostitution. Par contre, l'idée dominante, c'est vraiment que les prostituées sont des femmes qui sont poussées par le vice. C'est toujours elles qui sont mises en cause et pas les clients. Donc on voit que ça n'a pas changé. Ça n'a pas beaucoup changé, puisque cette nuit, le Sénat a refusé la pénalisation des clients. Et que par conséquent, à partir de cette idée de vice, il y a une division qui se fait. C'est-à-dire que les arguments sont soit, comme on le disait, sanitaires, soit moraux, soit politiques, soit juridiques, et ils s'additionnent ou se déclinent différemment et s'articulent différemment. Alors de façon concrète, on voit par exemple que la force formation à travers toute l'Europe à l'initiative de Butler, d'une fédération d'abord britannique et continentale, puis qui va devenir internationale, contre le réglementarisme, associe des gens qui sont contre le système réglementariste, mais qui n'en ont pas la même analyse. Butler a une dimension, et je laisserai mon voisin en parler, très moraliste. Elle rencontre en France Yves Guyot, qui est un publiciste d'extrême gauche, un homme extrêmement féministe. D'ailleurs, à la fin de sa vie, il dira « je suis un vieux féministe ». Et Yves Guyot s'en prend à la police des mœurs, parce qu'il est universaliste et qu'il ne veut pas qu'on crée une catégorie hors droit commun. Alors, parlons de cette Joséphine Butler, à laquelle vous avez consacré, Frédéric Rogard, un livre entier, donc « Féminisme et prostitution dans l'Angleterre du XIXe siècle ». Qui est-elle, que veut-elle et comment évolue son combat ? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le prohibitionnisme existe bien au début du siècle en Angleterre. Il y a des médecins célèbres comme Tate et Ryan qui veulent l'interdiction de la prostitution. Mais les choses évoluent, notamment sous l'influence d'un autre médecin qui s'appelle William Acton et qui, lui, dit que c'est un mal nécessaire, en effet, et qu'il faut bien le réguler plutôt que d'essayer de le supprimer. D'autant que, et c'est le fameux discours d'Acton, qu'on ne pourra jamais empêcher les hommes d'avoir une sexualité débridée, alors même que les femmes n'ont pas les mêmes désirs, n'ont pas les mêmes besoins. C'est-à-dire que Acton va justifier de manière médicale, de manière scientifique et médicale, un discours qui est celui de la double norme en Angleterre à l'époque, c'est-à-dire qu'il y a des modèles de fonctionnement qui sont différents selon que l'on est homme et femme. Et Joséphine Butler, elle va, donc à la fin des années 1860, s'élever contre ce discours. Et si elle va arriver à fédérer autour d'elle non seulement des femmes et des hommes, non seulement des gens des milieux populaires, mais aussi des gens de ce qu'on appelle la middle class en Angleterre, c'est-à-dire une bourgeoisie aisée, c'est qu'elle tient un discours qui s'appuie sur une longue tradition protestante. Et si elle va avoir... S'appuie sur les Quakers, les milieux Quakers. Sur les Quakers. Ce sont les Quakers qui financent, qui soutiennent son action. Et si elle va trouver des relais souvent en Europe, des relais efficaces, c'est notamment grâce à des réseaux protestants. Parce qu'elle va aller les chercher, elle va aller les chercher. Elle va faire le voyage en Italie, en Suisse, en France, où elle va rencontrer le chef de la police des mœurs, le fameux Charles Lecourt, dont on reparlera sans doute tout de suite, et qu'elle croque dans un portrait vraiment, vraiment savoureux dans ses mémoires, dans son autobiographie. Donc si Butler arrive à fédérer autour d'elle tous ces gens différents, c'est pas uniquement que c'est une moraliste, c'est que c'est quelqu'un qui se réfère à des principes qui sont d'origine religieuse, mais qui sont aussi des principes politiques. Les lois sur les maladies contagieuses bafouent, selon elle, les fondements mêmes de l'histoire de l'Angleterre, de l'histoire politique de l'Angleterre, à savoir la liberté de disposer librement de son corps. L'habeas corpus. Le fameux habeas corpus. Mais il faut préciser quand même que Joséphine Butler, avant de s'intéresser, enfin vraiment de s'engager pleinement dans cette question, elle s'engage aussi déjà sur la question du droit de vote des femmes, de sur la question de l'éducation des filles, voilà, bien sûr. C'est une féministe. Et qui, à un moment, va aussi passer le pas. C'est mal vu, quand même, de défendre cette question-là, de s'opposer à la prostitution. Elle-même est d'un milieu bourgeois, avec un mari universitaire, très bourgeois, mais religieux. Très aisé, grande... Oui, en fait, ce sont les anglicans, oui. Voilà. Mais elle est de tendance très, ce qu'on appelle non-conformiste, en Angleterre, c'est-à-dire de tendance très très radicale. Joséphine Butler se conçoit d'abord comme une féministe, même si le terme n'existe pas en Angleterre avant 1895. Évidemment, les principes existent, mais le terme n'existe pas. Elle se conçoit comme une militante des droits de l'égalité des femmes et des hommes, mais elle va s'engager soudain dans cette bataille, dans ce qu'elle appelle une croisade. Voilà. Parce que il lui semble que le traitement qui est réservé aux prostituées à ce moment-là est emblématique d'un discours généralisé dans l'ensemble de la société anglaise. Jean-Marc Méliard, vous êtes spécialiste de l'histoire de la police. On sait très bien que parmi les récits policiers et les récits de romans policiers ou de polars ou de romans noirs, il y a toujours cette figure du flic, du policier qui est toujours à la marge, qui est toujours sur le côté et qui, d'une certaine façon, fraye tellement avec les voyous qu'il finit peut-être parfois par leur pardonner certaines choses qu'ils ne devraient pas leur pardonner en tant qu'homme de loi, d'une certaine façon, représentant de la loi. Qu'est-ce qu'on dit justement de cette police des mœurs dirigée par ce fameux Charles Lacour dans ces années de la seconde partie du 19e siècle et de certaines libéralités qu'ils offriraient à certains policiers, parce que justement ces policiers sont très proches à la fois des proxénètes et peut-être aussi des maisons closes qu'ils sont chargés de surveiller. Pas de loi, tolérance, on est dans un no man's land législatif et légal, si vous voulez, qui évidemment élargit la marge d'autonomie des policiers. Et donc c'est pour ça qu'ils sont très favorables évidemment à la police des mœurs, ce qu'on appellera plus tard la police mondaine. Et ils sont d'autant plus favorables aux maisons de tolérance, comme je le disais tout à l'heure, qui sont pour eux des maisons de verre et des maisons de police, car la tradition n'a pas apparemment changé, mais je parle là de grand banditisme. Généralement, on va fêter un gros coup, un casse, voire plus, dans ce milieu prostitutionnel où les policiers ont des oreilles partout, parce qu'une maîtresse de tolérance, on peut à tout moment imaginer un peu l'État est proxénète dans cette affaire. Ah, expliquez-nous ça, permet comment ça marche. À des gens, finalement, le proxénétisme, c'est la seule loi qui touche la prostitution, est formellement interdit et poursuivi. C'est très difficile à prouver, hein. D'ailleurs, on parle de vagabondage spécial, mais il y a un proxénétisme légal, c'est donner une tolérance en échange d'argent, bien sûr, de loyer, etc., à des gens qui font travaillant en plus dans des conditions d'esclavage extraordinaires, des femmes qui, il faut quand même le rappeler, hein, quand elles arrivent dans une maison close, on les achète, il y a des marchands de viande, hein, comme on dit, et la première chose que l'on note dans le livre de la maison close, c'est le prix qu'elles ont coûté. Et à partir de là, tant qu'elles n'auront pas remboursé ce prix, elles resteront, on les poursuivra si elles s'enfuient ou si elles tentent de s'enfuir, etc. Donc, pour des alors il y a que des femmes hein, qui possèdent ces tolérances pour des raisons éviter le proxénétisme. Et donc, comme elles sont toujours, il est facile de prouver qu'on a vendu de l'alcool à un mineur, qu'on a fait travailler une fille mineure, etc. Les policiers tiennent complètement ces maisons, ces souteneurs publics. Et à partir de là, ces gens deviennent des informateurs essentiels. Mais est-ce qu'ils profitent de ce pouvoir gigantesque que vous décrivez, justement, puisque c'est un des combats des prohibitionnistes que d'attaquer justement ce système de la police des mœurs en disant, non seulement ils sont chargés, ça les arrange parce qu'ils ont des informations, mais en même temps, ils en profitent même, disons, personnellement, d'une certaine façon. Bien sûr, il faut quand même imaginer qu'un policier, à l'époque, le recrutement se fait au mieux parmi les sous-officiers engagés de l'armée impériale, puisqu'on se situe à cette période, et donc ils ont des habitudes militaires, j'allais dire, de sexualité, d'alcoolisme et autres, et ils sont comme chez eux dans ces maisons, et ils peuvent exiger des prostituées un certain nombre de gratifications, je vais dire, qui ne sont pas seulement symboliques. Yannick Ripa. Et des maisons de tolérance aussi, enfin pardon, de l'argent aussi, de la part des, par exemple, des responsables. Bien sûr, des maisons de tolérance. Ce qui fait d'ailleurs que le service des mœurs est un des services dans lequel il y a le plus de mesures disciplinaires, parce qu'on ne tolère quand même pas ce genre de choses dans la police. Yannick Ripa. Oui, et d'ailleurs, la campagne abolitionniste en France qui est lancée dans les journaux et notamment par Yves Guyot qui dans le journal Les Droits de l'Homme. Voilà, dans le journal Les Droits de l'Homme, ce sera un des fondateurs de la Ligue. Et dans La Lanterne, où sa technique, c'est d'écrire des lettres et de les signer. Un vieux policier. Voilà. Il un fait vieux comme policier si, des mœurs. Voilà, comme s'il avait été employé à la police des mœurs. Il fera la même chose d'ailleurs pour les asile psychiatrique en prétendant qu'il a été infirmier. C'est donc par le biais de la police des mœurs, des excès de la police des mœurs, du non-respect de la liberté et de l'égalité en droit qu'il attaque le système abolitionniste sur la base qu'une prostituée est un être humain et il est à la fois féministe et universaliste. Et c'est par la police des mœurs qu'il attaque ce système et non pas par le fait que les femmes vendent leur corps et que ce serait contraire à la dignité humaine. Une attaque qui a d'ailleurs une certaine réussite, peut-on dire. Oui, l'attaque de Guyot va finir à la démission. Que Yannick Ripart rappelle quand même cette figure complètement oubliée d'Yves Guyot, oui. Parce qu'il est de tous les bons combats, si j'ose dire. On a oublié. Il est étonnant. Il est dans l'affaire Dreyfus, un des Dreyfusards. On a oublié, maintenant, on parle de Zola, on parle des frères Renard. Alors qu'il est sur la fameuse affiche en tête du syndicat juif, hein, etc. Yves Guyot, qui est devenu ministre hein, d'ailleurs, est un personnage fascinant. Alors lui, je pense, comme le dit Yannick Ripart, qu'il met beaucoup d'affect hein, dans cette défense. On sent qu'il est très touché, mais en même temps, il faudra jamais oublier que l'attaque contre la police des mœurs, c'est un moyen d'attaquer une police. Il faut quand même se situer. 1879, la police, les républicains arrivent enfin au pouvoir, enfin. Si j'ose dire. Ouais. Avant, on est dans un entre deux, la République des Ducs, une tentative de restauration. Et désormais, le pouvoir est aux mains des républicains. Or, ils n'ont aucune expérience de la police. Aucune. Sinon, comme victimes, ils ont été poursuivis sous l'Empire par les services du commissaire Lagrange, etc. Et donc, il n'y a pas eu d'épuration. Il n'y a jamais, d'ailleurs, d'épuration dans la police, sauf en 1944, 45, 46. Et ça a coûté cher à la 4e République, mais c'est un autre sujet. Et donc, sont en place des gens qui sont en place, le fameux Lecour, etc. Depuis... alors lui, il est carrément entré à la préfecture de police sous la Seconde République. Mais ce sont des gens qui ont servi l'Empire. Et donc, Guyot y voit un moyen. La police de la République doit être une police républicaine. C'est pour blanchir la police de la République, pour transformer la police de la République. Oui, elle doit opérer dans des manières qui soient conformes aux droits de l'homme. Et donc, il va obtenir la démission de la Cour. Il obtient la démission d'un certain nombre de chefs de service, parce qu'il double l'attaque, il est vraiment très habile. Hein. Il a interrogé beaucoup de policiers, c'est ce qui lui permet d'écrire ses mémoires d'un vieil employé, etc. Parce que ce qu'il met est vrai. Et le préfet de l'époque, qui s'appelle Gigot, va découvrir des pratiques, notamment le garrot. Même si Gigot va le faire condamner pour diffamation tout de même, parce qu'il faut pas aller trop loin. Donc d'une certaine façon, il sera condamné pour diffamation, mais il va parvenir à ses fins. Mais c'est lui qui l'emporte. Oui, c'est lui qui l'emporte. C'est Brignata. En tous les cas, ce personnage d'Yves Guyot va évidemment se mettre en relation avec Joséphine Butler. Et vous disiez, Yannick Ripart, mais il faudrait un petit peu qu'on approfondisse. C'est pas sur le même argument en tous les cas, puisque là, Guyot, lui, ne condamne pas les femmes, ne condamne pas les prostituées, alors que Joséphine Butler, elle, veut éradiquer en fait la prostitution et reconvertir ces femmes qui sont dans la misère. Enfin, il faut les sortir de la prostitution. C'est pas sur le même. Lui, c'est un argument juridique au nom de l'égalité, alors que Butler, c'est sur un autre. Oui, juste si je peux rajouter quelque chose sur Guyot. Il va vraiment très très loin, puisqu'il estime que l'État n'a pas à se mêler de cette affaire, parce que c'est un contrat, même tacite, entre deux adultes consentants. Et il a des phrases extrêmement étonnantes, que d'ailleurs une partie de ces phrases il ne les a pas publiées, elles sont dans ses archives privées, qui n'ont pas été éditées, où il dit qu'une femme est libre de son corps. On a des formules, très MLF, sous le MLF. Une femme est libre de son corps, elle en fait ce qu'elle veut et ça regarde personne. Et ça, les féministes ne le suivent pas, parce qu'elles veulent rentrer dans la République par la respectabilité. Ça ne va pas du tout. Oui, alors justement, sur cette personnalité et ce croisement entre la personnalité de Butler et d'Yves Guyot, dont on vient de parler. Alors, il faut se souvenir en effet que Yves Guyot accueille Joséphine Butler à Paris, lui permet de comprendre quelle est la situation parisienne, lui fait délivrer plusieurs laissez-passer dans différents réseaux. La position de Butler est très complexe et elle peut évoluer aussi au fur et à mesure que son combat se développe. Ce qui l'oppose à Acton, ce fameux médecin qui justifie de manière médicale médicale, la différence de traitement qui devrait être réservée aux hommes et aux femmes. Donc grosso modo, les hommes ont des besoins que les femmes n'ont pas, et il faut bien pour cela leur procurer de la chair fraîche, de bonne qualité, c'est-à-dire non infectée par la maladie. C'est que Butler défend un système qui va se nommer le volontarisme, qui est un terme péjoratif à l'époque, hein, que Acton emploie avec un sourire ironique aux lèvres, qui fait qu'il faut éduquer de manière morale les masses, et qu'à partir du moment où on éduque de manière morale les masses, où on les christianise, dit-elle, puisque pour elle, le christianisme est la clé même de l'égalité entre hommes et femmes, ce qu'il faut arriver à comprendre, ce qui n'est pas toujours évident aujourd'hui, à partir du moment où on enseigne les principes mêmes du christianisme aux masses, les hommes et les femmes sauront modérer leurs appétits, sauront modérer leurs désirs. Je reviens à quelque chose dont on vient de parler, à savoir ces espèces de mémoire imaginaire, de reportage plus ou moins véridique, etc. C'est une pratique commune, y compris en Angleterre. La fin justifie les moyens. Et puisque Josephine Butler et toutes les femmes et les hommes qui sont derrière elle soupçonnent une énorme collusion entre l'aristocratie anglaise, les milieux du proxénétisme et les milieux politiques, les journalistes se mêlent de cette affaire. Mmh. Et ils ne vont pas hésiter, notamment... À inventer des histoires. Et on va sans doute parler... encore aujourd'hui, journalistes. On va sans doute parler ici de ce qui se passe dans les années 1884-1885. L'intervention dans le débat d'un journaliste célèbre en Angleterre à l'époque, qui s'appelle William Stead, et qui va publier un texte absolument croquignolé, qui s'intitule The Maiden Tribute of Modern Babylon, on peut le traduire par le sacrifice des vierges de Babylone. C'est sur la prostitution infantile. C'est sur la pédophilie et la prostitution infantile. C'est d'ailleurs intéressant parce que dans le glissement, pourrait-on dire, Séverine Yatin nous a raconté dans les précédentes émissions combien Paris était considéré comme la Babylone moderne dans la première moitié du 19e siècle. Ce qui est très intéressant, c'est que Londres va prendre le relais et devient l'endroit de la prostitution généralisée, de la pauvreté qui conduit à la prostitution parce que les usines, parce que les fabriques, etc., etc. L'affaire de Jack l'Éventreur participe aussi de cette question-là, en l'occurrence Frédéric Regard. Voilà, alors Londres devient en effet la capitale du vice, mais ce que vont montrer Butler et les Quakers qu'il a... Alors les Quakers, il faut bien comprendre que c'est vraiment un groupe d'action qui encore aujourd'hui représente ce qu'on appellerait nous la gauche française. Hein, ce sont des gens toujours très influents et qui se situent dans ce que nous on conçoit comme être la gauche. Ce que vont démontrer ces gens-là, c'est que ça ne se réduit pas à Londres, mais que Londres est certes un noyau, mais qui rayonne dans toute l'Europe. D'ailleurs, notamment Joséphine Butler est partie de Liverpool déjà elle-même. De Liverpool, mais ce qu'ils vont démontrer, c'est qu'il y a ce qu'ils nomment à l'époque une traite des blanches. Alors il y a énormément de fantasmes dans cette affaire, mais notamment une traite des blanches très très intense entre Londres et Bruxelles, où là encore les milieux de la famille royale sont impliqués. Alors il y a aussi d'autres stratégies là, c'est sûr qu'on parle des journalistes, etc., mais Butler, elle va initier des pétitions par milliers, elle va elle-même essayer d'alerter l'Assemblée nationale en disant d'ailleurs il n'est pas normal qu'une assemblée composée uniquement d'hommes puisse légiférer sur des questions qui concernent les femmes. Et d'ailleurs, ils sont assez paniqués, les députés anglais, parce qu'ils se disent, mais que faire avec cette protestation féminine? On n'a pas l'habitude de gérer ce genre de problème. Comme vous le disiez, Josephine Butler n'est pas n'importe qui. Elle vient d'une grande famille Whig du nord de l'Angleterre. Sa famille a donné un premier ministre à l'Angleterre. Elle a énormément de de relation. Et c'est, elle a en plus pour elle d'être toujours habillée à la dernière mode, d'être très belle. Et c'est ce type de femme qui tout à coup va sur les places de marché pour défendre le sort des prostituées, pour parler de réglementarisme en termes très très crus. Donc elle fait scandale. Son mari paiera très fort l'engagement de sa femme. Il ne fera jamais carrière. Et elle-même, il laissera sa fortune et sa santé. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à élaborer des stratégies publiques qui la mettent en danger. De nombreuses pétitions, des discours sur les places de marché, des grandes manifestations dans Londres qui rappellent énormément ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Et qui sont celles qui, d'une certaine façon, prennent le relais en France? On cite souvent Maria de Rheim, mais qu'y a-t-il dans ces... Quelles sont ces femmes qui, de façon différente de Josephine Butler, s'intéresse à cette question-là et, oui, et là... je pense qu'on voit une très nette évolution, et notamment à partir de cette expression de traite des blanches qui, en Angleterre, est encore plus claire, parce que c'est de l'esclavage, slavery right. Et à partir de là, il y a une évolution qui se fait au cours du siècle. C'est-à-dire que l'idée qu'il existe une traite des blanches qui effectivement est largement fantasmée, mais qui existe quand même, mais que cette traite des blanches, elle pourrait toucher toutes les femmes, et notamment des jeunes filles, des très jeunes filles, des vierges, et des vierges de la bourgeoisie, parce qu'il y a quand même une lecture éminemment sociale, hein, tant que c'est de classe, hein. Ce sont des basses classes qui se prostituent ou qui se trouvent aux mains de la police, c'est grave, mais pas tant que ça. Et dans le second 19e, se développe l'idée qu'il y aurait donc des réseaux internationaux qui feraient Angleterre, Belgique et aussi à partir de l'Est. Et ce qui heurte la morale, c'est qu'on nous prend nos Européennes blanches pour les emmener notamment en Amérique latine, avec aussi tout un développement en partie fantasmagorique sur la prostitution juive. Et à partir de là, il y a un rapprochement entre des gens qui étaient contre les prostituées, comme le père Lapudeur Béranger, et des féministes qui voulaient défendre les femmes déchues, mais pour les remettre sur le droit chemin. Et vous avez, en parallèle et en même temps en rencontre, une lutte contre la traite des blanches et toute une mise en place par les féministes, notamment par Avril de Sainte-Croix, qui prend la suite de Guyot, avec des maisons d'accueil pour revenir dans la vie sociale. Mais il y a quand même Madeleine Pelletier, qui, elle, se situe un petit peu... Madeleine Pelletier, c'est une marginale, c'est une radicale, c'est une féministe radicale, qui, elle, prend la défense des prostituées, part du principe qu'elles ne sont pas du tout vicieuses, mais là encore, c'est quelqu'un qui, pour l'avortement, qui, malheureusement... Elle n'est pas tellement suivie par les autres féministes. Elle n'est pas suivie. Les féministes sont très mal à l'aise. Avec la question de la sexualité en général. De façon générale, on croirait qu'elles n'ont pas de sexualité à quelques exceptions près, comme les néo-malthusiennes. Mais elles sont empêtrées dans une volonté, du moins pour les réformistes, d'être regardées comme des femmes honnêtes et d'arriver à leur fin. Ce qui est quand même intéressant, c'est que nous sommes en cette fin du XIXe siècle avec non seulement la République en France qui se développe, mais aussi ce mouvement socialiste qui est divers, varié, avec des variantes socialistes en particulier à la toute fin du XIXe siècle en France. Les socialistes ont pensé cette question-là, puisque vous disiez, il y a une question sociale derrière la question de la prostitution. Est-ce que les socialistes réfléchissent? Est-ce que les penseurs socialistes ont réfléchi à cette question de la prostitution? Ou est-ce que c'est aussi varié, le panel de réponses est aussi varié que le panel de réponses dans le reste de la société française à la fin du 19e siècle? Alors, je vais vous faire une réponse très genrée, comme on dit désormais, à savoir que les socialistes, pour être socialistes, ne sont pas moins hommes. Ça, et qu'à partir de là, ils sont éventuellement clients, de surcroît. Et surtout, ils sont... j'ai envie de dire empêtré dans une représentation du féminin. On sait aussi que la pensée de Proudhon a été très importante en France. Or, vous connaissez tous la phrase de Proudhon. Pour lui, une femme, c'est courtisane, traduire prostituée ou ménagère. Et pour les socialistes, le problème, la question des femmes, mais de façon globale, que ce soit les salaires d'appoint, la double journée de travail, la double morale, tout ça est un effet de la misère, et la misère est un effet du capitalisme. Donc, tout ça disparaîtra. Il y a pas de problème. Ouais, c'est ça. Voilà, tout ça disparaîtra le jour où le capitalisme disparaîtra. En gros, mes sœurs, attendez le grand soir. Jean-Marc Berlière, est-ce que c'est le fait, justement, comme vient de le dire Yannick Ripa, que ces maisons closes, en particulier en France, soient fréquentées pour les plus huppées d'entre elles par des hautes sphères de la société, y compris de la société politique, change quelque chose justement à cette vision qu'a la politique de la prostitution? Est-ce que, par exemple, on peut risquer de se faire dénoncer quand on est un homme politique, de se trouver dans ces situations un peu scabreuses parfois dans ces maisons-là? Est-ce qu'il y a des chantages qui sont reconnus, connus dans cette fin du XIXe siècle et qui, d'une certaine façon, entravent la liberté d'action des politiciens parce qu'ils se retrouvent dans des situations difficiles? Mais la situation est ambiguë, c'est-à-dire qu'on voit parfois le préfet de police saisi par des familles menacées de chantage et agir de façon occulte. Par ailleurs, on n'ignore pas, je ne vais pas citer de nom en pâture ici, mais qu'un certain nombre d'hommes politiques de la hiérarchie ecclésiastique, etc., sont évidemment des clients assidus de ces maisons, et donc la police n'ignore rien sur eux, et ça permet un certain nombre de, parfois, vous savez, des collusions, des votes inattendus. Je voulais juste, parce que je crois qu'on est au cœur du problème, les socialistes, comme les républicains quand même, de gauche, les Guyot et autres, sont de plus en plus mal avec, évidemment, l'argument moral qui n'a pas de sens, et donc on met de plus en plus en avant le sanitarisme, la volonté, avec en plus une préoccupation militaire, jamais oublié, la guerre qui menace avec les Allemands, etc. On protège l'armée. Or, on ne l'a pas dit ici, mais je crois que c'est important quand même. Il y a un non-sens du point de vue épidémiologique à ne vérifier, si j'ose dire, que l'état de santé des prostituées, jamais des clients qui sont, et des hommes, et en plus, on ne sait pas soigner la syphilis. On est dans un point, on est au centre d'un combat, effectivement. Et qui ne conduira jamais à la question de la suppression, justement, de cette réglementation, à la suppression de la police des mœurs, etc. Sa transformation, son évolution tout au long du XXe siècle, mais il n'y aura jamais, vraiment en France, d'accès à la possibilité qu'on supprime ce système. Absolument. Le fameux système va perdurer malgré les critiques qui lui sont faites. On va même le renforcer. La fameuse loi de 1942 est terrible de ce point de vue. Et puis l'ouverture des bordels de campagne pendant la guerre. On a mis du temps quand même, mais en mars 18, on ouvre des bordels pour les militaires. Mais par rapport à l'argument sanitaire, un certain nombre de médecins prouvent que c'est ce que vous disiez est effectivement important, à savoir qu'on ne vérifie pas les clients, mais non seulement on ne vérifie pas les clients, mais les fameuses visites que les femmes doivent payer, en plus ce sont les prostituées qui payent les médecins, qui exercent aussi une forme de chantage, comme pour nous évidemment c'est le comble de l'horreur, comme les auscultations gynécologiques sont faites avec un seul spéculum, le spéculum du gouvernement d'ailleurs. Voilà, le spéculum du gouvernement. En clair, il suffit qu'il y en ait une qui est la syphilis et tout le monde l'a. Donc, c'est les abolitionnistes montrent que les prostituées encartées sont plus atteintes de maladies vénériennes que les clandestines. Frédéric Regard. Oui, tout cela est vrai et se reproduit à l'identique en Angleterre. Ce sont exactement les mêmes débats. Pour revenir à votre question, est-ce que l'on fait peur aux hommes politiques? Est-ce que l'on fait peur aux sphères dirigeantes? Oui, c'est tout le principe de la série de reportages de Stead que cautionne Josephine Butler. Il menace dans la dernière livraison de son... De donner les noms. Dont il a appris l'existence en arpentant les bas-fonds de Londres. Et c'est parce qu'il menace de donner des noms qu'on vote en quatrième vitesse des lois qui vont modifier la date de consentement des filles, et qu'un an après, le système les lois sur les maladies contagieuses 1886 seront abrogées en Angleterre. Oui, alors ça c'est intéressant parce que tout compte fait, l'exemple anglais est un contre-exemple de l'exemple français. Prenant appui sur ce qui se passait en France, on crée des lois justement pour le contrôle des filles, en l'occurrence, et grâce au combat de Josephine Butler et de tous ceux et toutes celles qui la suivent, une vingtaine d'années, même pas, après, eh bien, ces lois sont abolies, ce qui n'arrivera jamais en France, d'une certaine façon, Frédéric Lagarde. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, à l'époque, en Angleterre, et depuis la Révolution française, en passant par Napoléon, jusqu'aux révolutions de 1838-1840 et à la catastrophe de 1870, c'est-à-dire les armées prussiennes dans Paris, tout ce qui vient de France est considéré avec horreur. Tout ce qui est inspiré par le système français, dit système socialiste, laisse penser aux Anglais que l'Angleterre, qui est à l'époque la plus grande démocratie européenne, dont la vie parlementaire fonctionne bien dans l'ensemble, laisse penser à l'Angleterre que si elle adopte le système législatif français, elle se dirigera sur la voie de la France, c'est-à-dire qu'elle finira par être envahie par les Prussiens et que les armées seront décimées par la maladie, etc. Et Jean-Marie Vallière. Ça deviendra un système policier, enfin c'est le contre-modèle français à la police continentale, c'est l'horreur par rapport à la police de bonhomie, de libéralisme anglais. Yannick Ripa, donc les débats que nous avons aujourd'hui et qui arrivent jusqu'à la au Sénat, puisqu'il y avait cette loi discutée avec en particulier un autre aspect qu'on n'a pas évoqué ici, la régularisation des prostituées étrangères, avec la possibilité justement de les aider à la demande de la CIMAD, eh bien, ce sont des débats qu'on n'aurait pas, non pas les mêmes, mais qui sont dans la lignée de ce qu'on a dit à propos de la fin du 19e siècle. Qui sont dans la lignée, notamment, c'est curieux, on n'a pas prononcé ici, même si ça a été dit dans la semaine, que la prostitution est quand même regardée comme le plus vieux métier du monde, ce qui est quand même un comble, parce qu'un métier, c'est quelque chose de légal, avec une formation, et les différentes positions aujourd'hui se retrouvent, c'est-à-dire la question éthique, qu'est-ce que c'est que la dignité humaine, et qui aujourd'hui est énormément articulé dans ce que disait déjà Guyot, si je veux, finalement, c'est mon corps, je fais ce que je veux de mon corps. Et on voit bien que dans les débats, y compris du côté des féministes, il y a cette position, mais qui contraint à différencier les types de prostitution et que, bien évidemment, des réseaux prostitutionnels fondés sur la pauvreté et l'arrivée de filles qui ne veulent sans pas papier, le faire, n'a rien à voir avec une femme qui décide de faire commerce de son corps et de ses charmes. Merci Yannick Ripa. Je rappelle que vous avez contribué à l'encyclopédie numérique de l'histoire nouvelle de l'Europe qui sera en ligne à partir du mois de janvier avec beaucoup d'autres universitaires et que vous avez écrit tous les articles qui sont liés à la prostitution mais que vous publiez également sur un tout autre sujet chez Belin, l'étonnante histoire des belles-mères. Merci à vous Jean-Marc Berlière d'être venu depuis Dijon où vous enseignez à l'université de Bourgogne. Vous êtes auteur de l'histoire des polices en France, entre autres chez Nouveau Monde, mais également d'un livre sur un tout autre sujet lui aussi, Camarades, la lutte continue de la résistance à l'espionnage au profit des pays de l'Est autour de la question des FTP. Et pour votre part, Frédéric Regard, avec Florence Marie et Sylvie Regard, vous avez publié il y a 2 ans Féminisme et prostitution dans l'Angleterre du 19e siècle, la croisade de Joséphine Butler dont on a beaucoup parlé dans cette table ronde. Et on apprendra tout sur son combat, justement, dans votre livre. Merci à tous les trois et merci à Séverine Liattar qui a préparé toute cette semaine avec nous. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Anne Olivier et Aurélie Marsay. Nous avions avec nous à la technique Clément Daté et à la réalisation Séverine Cassard. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture. Et si vous voulez en débattre, eh bien sur ce même site, bien évidemment, www.franceculture.fr et également sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Demain, nous recevons dans l'émission du vendredi, comme nous le faisons de temps en temps, un homme politique enregistré à Versailles, à la salle du jeu de paume, François Bayrou, sur son imaginaire historique.